sincérité. La violence nous mène dans un bateau et la vie elle ne nous fait aucun cadeau. J'ai dû faire trop de fausses notes, accumuler trop d'énergie sur mes notes. Alors note, je dirai rien que la vérité si je me fais juger. Bannir tous les préjugés pour aller militer. La connaissance est une science par excellence, en connivence avec ton vécu dès ton enfance. Combien de gens cracheraient bien sur la gueule Jacques Chirac au lieu de salir leur rap, boycotter l'Irak. Ouvrez vos yeux ainsi que vos oreilles, vous verrez pourquoi je garde mon esprit en éveil. Un complot s'organise, regarde la tour de Pise. Le soleil s'éclipsera dans pas moins de 20 piges. Le chétan para depuis la crise du pétrole. La CEWE le revête comme une camisole. La réalité sort de la bouche de ceux qui écoutent. Si t'as pas pris la route, je t'écoute même pas. Politiquement, en bouclé avec ton discours, engrainer les sourds de ta tour. Tu dis qu'on est égo-social. Socialement, appelle-moi fraternité car je suis irréalité. Explicitement, sexuellement, c'est eux qui comblent. Actuellement, mon œuvre est ce clic. J'avance et défends sur la ligne. Si ils s'unifient, mais qu'est-ce que ça signifie? Franche au Hackman, un sictage, chénifie. Les SDF, mais qu'est-ce qu'ils enlèvent? Pour que la détresse les stresse, pour qu'on leur porte les fesses. L'unification des pays de l'Europe unie ne se régit pas pour bannir la pauvreté. Le nouvel ordre mondial, et tu peux crever la dalle, mourir sur la dalle. Une seule monnaie, une seule religion, une seule langue, voici qu'elle pense. Ça nous enchante, placer 15 escrocs sur le toit du monde, et ton vin ne viendra plus de ta gironde. Les pauvres s'appauvrir, les riches ramasseront et nous prennent pour des cons. C'est là, je prends le ton. 666 acquises sa toile, et nous on portera pas de voile. On jouera les chacals. La réalité sort de la bouche de ceux qui y goûtent. Si t'as pas pris la route, je ne t'écoute même pas. Politiquement, en bouclé avec ton discours, engrainer les sourds du haut ta tour. Tu dis qu'on est égo-social. Socialement, appelle-moi fraternité car je suis irréalité. Explicitement, textuellement, c'est eux qui complotent. Retiens ça bien.